Si j'ai le parquet, je peux plus ramasser. Le quartier, toi, les murs, t'as rasé. Assis dans la cure, tous mes potes sont gazés. Les jaloux qui rentrent, il faudra tous les gazer. Donatello, il aime la selle son ghetto. Il est pas aimé, il fait le traite de salaud. Fait des tours et des tours, on est par cœur son ghetto. Il brèche que des chocs, il assume qu'il est pas beau. Il aime la selle son ghetto. Il est pas aimé, les filles le traitent de salaud. Fait des tours et des tours, on est par cœur son ghetto. Il brache que des chocs, il assume qu'il est pas beau. La mort ou la jetée, pas rien comme jetée. Il aime les petits boules, reste trois, les gros tétés. Ça peut être l'hiver, il envoie les petits guettés. Ça parle de lui, ça parle mal, zéro gretté. Il passe l'été, passe l'hiver au charbonné. Dans tout Marseille, il se promène, on reconnaît. T'es plein de moi aussi, pourtant nous on te connaît. Il te dit ma belle, monte sur la selle, la volée. La journée à Zix, ce soir, Père Valentino. Il danse dans le bar, le bras levé comme Chico. Il te dit, je suis plein de folle, un gamin, c'est que mytho. Il se prend pas la tête quand il parle, c'est tranquille. Tu le connais à peine depuis minuit, on le connaît. Il s'invente des billes, il ressort de 10 années. Il te dit, Marseille, c'est chaud, Marseille, c'est cramé. Arrête, faire ta folle, nous pour toi, on te connaît. Donatello, il aime la selle son ghetto. Il est pas